Nous sommes enfin de retour. Chaque semaine, Mathieu Plante et Stéphanie Gagné vous présentent les 40 pièces francophones et anglophones les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. Les palmarès C'est Fou, en direct les jeudis de 14h à 17h. On rappelle les vendredis à 17h. Dès le 9 septembre.